Yeah. Chervin, free all Mrs. Twinemy Bridgerins. Pour dénoncer tous ces vendus. Against all criminals, bangsters, hey. Gangsters, politicians. Boom. Who abuse of my people. Boom. Whoa, oh. Yeah. Wicked politicians. Ceux qui abusent. We know you. Hey. We see you. Every time. Ceux qui abusent du peuple. Jano. Aucun politicien n'est vraiment, vraiment prêt au changement. Aucun propriétaire terrien n'est prêt à lâcher tout son argent. Aucun mec blindé n'est prêt à lâcher sa poche et ses vêtements. Alors qu'ils arrêtent de parler, de mentir à tous nos enfants. Aucune personne vraiment en place n'est prêt à changer de camp. Trop peur de se retrouver dehors, à faire la manche devant le printemps. C'est une peur dont ils usent pour nous empêcher de bouger vraiment. Beaucoup autour de moi me disent, tu sais, j'ai mes enfants. Alors quoi, tu t'es foutu, man, c'est trop tard. Maintenant, le système est bien conçu, en fait on se retrouve coincé dedans. Travailler plus pour pas mourir, voilà le vrai fond de leur argument. Nous voici en 2012, j'entends rien si ce n'est la mort au tournant. Wicked gangsters, wicked bandits, wicked. Just see you. Wicked gangsters, wicked bandits, just see you. Ce sont des vendus, jamais ils n'avoueront leurs actes. Ils se croient au-dessus, faut les cerner avec tact, ne sois pas déçu. Tu pensais qu'il prendrait une claque, Jah est au-dessus. Il s'en chargera sans matraque, ce sont des vendus. Jamais ils n'avoueront leurs actes, ils se croient au-dessus. Faut les cerner avec tact, ne sois pas déçu. Tu pensais qu'il prendrait une claque, Jah est au-dessus. Il s'en chargera sans matraque. N'attends pas que ces fous se cassent, faut les dénoncer maintenant. N'attends pas que les patrons se lâchent, faut prendre ceux qui volent depuis trop longtemps. N'attends pas que le maire de ta ville tienne ses promesses, évidemment. Même sous l'étiquette PS, il ne sert la main qu'à ceux qui font semblant. Il laissera crever l'hiver les gens, la rue sale légalement. Il fera mourir ton quartier, expliquant qu'il n'y a plus d'argent. 10 ans en arrière, y avait pas de crise, pourtant c'était déjà non. Leur sort net se répète chez toi, mais c'est la même nationalement. Les petits commerces se cassent la gueule pour des halls flamboyants, comme des parcs d'attraction avec plein de moutons dedans. Le soir c'est la même, les clubs fermés se font de la maille à plein temps. Ils sont tous de mèche avec le maire dont je te parlais avant. Wicked gangsters, wicked bandits, wicked. Just see you. Wicked gangsters, wicked bandits, wicked. Just see you. Ce sont des vendus, jamais ils n'avoueront leurs actes. Crois au-dessus, faut les cerner avec tact, ne sois pas déçu. Tu pensais qu'il prendrait une claque, Jah est au-dessus. Il s'en chargera sans matraque, ce sont des vendus. Jamais ils n'avoueront leurs actes, ils croient au-dessus. Faut les cerner avec tact, ne sois pas déçu. Tu pensais qu'il prendrait une claque, Jah est au-dessus. Il s'en chargera sans matraque. Aucun policier n'est prêt à dire qu'il abuse de temps en temps. Rares sont les juges et avocats qui travaillent vraiment dans le bon camp. Quelle administration revient en arrière, c'était pas là à temps. Trop de bavures en fait, des procédures qui accablent les gens. Même le système de santé fait que pour toi ils ont peu de temps. Y'a des tonnes de bouffe qu'on jette et on jette nos sous à Auchan. Je reviens aussi sur tous ces guignols qui se croient intelligents. C'est facho, c'est raciste, c'est aigri qui nous font perdre notre temps. Ces gens qui ne manquent de rien mais en souhaitent toujours autant. Font de nos vies un enfer si on ne suit pas leur code, leur penchant. En temps de guerre ils collaborent direct, ça j'en suis sûr maintenant. Goûterais bien la vie sur Mars et tes gosses dans la mine de diamants. Wicked gangsters, wicked bandits, just see you. Wicked gangsters, wicked bandits, just see you. Ce sont des vendus, jamais ils n'avoueront leurs actes. Ils se croient au-dessus, faut les cerner avec tact. Ne sois pas déçu. Tu pensais qu'il prendrait une claque, Jah est au-dessus. Il s'en chargera sans matraque. Ce sont des vendus, jamais ils n'avoueront leurs actes. Ils se croient au-dessus, faut les cerner avec tact. Ne sois pas déçu. Tu pensais qu'il prendrait une claque, Jah est au-dessus. Il s'en chargera sans matraque.